m'en allant croiser dans les eaux. Salé du golfe du Mexique, j'ai un beau jour croisé tes eaux. Oh, oh. Saillant ma belle anorexie. Giacometti, tu m'as entraîné sans complexe dans une orgiaque comédie. Aux jouissances circonflexe. And I'm all close to the bone. And I'm all close to the bone. Sans douter du sens de ta vie, tu voues ton âme entière au gris. Un amour exquis, désire un homme.